Les deux amants sont alors incarcérés au Châtelet, où l'on enfermait les prisonniers de droit commun. Après s'être réconcilié avec son père, venu le voir au Châtelet, Desgrieux obtient sa libération, mais il apprend que Manon va être déportée en Amérique. Après de vaines démarches pour la libérer, Desgrieux s'embarque comme volontaire à bord du vaisseau qui l'emporte en Amérique, prétendant être marié à Manon. J'avais perdu à la vérité tout ce que le reste des hommes estime, mais j'étais maître du cœur de Manon, le seul bien que j'estimais. Vivre en Europe, vivre en Amérique, que m'importait-il, en quel endroit vivre, si j'étais sûr d'y être heureux, en y vivant, avec ma maîtresse? Tout l'univers n'est-il pas la patrie de deux amants fidèles? Ne trouve-t-il pas, l'un dans l'autre, père, mère, parents, amis, richesse et félicité? Les deux amants rivalisent de prévenance l'un pour l'autre et, à l'approche de l'Amérique, Desgrieux sent le calme revenir en son cœur.